minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue le dimanche soir, c'est le rendez-vous incontournable pour bien finir le week-end. Oui. Avec celui qui a des doigts d'argent, des doigts d'or, des doigts de platine. Il a tout sur les demi-mines. C'est DJ K, ça va Case? Ça va, les doigts sont toujours aussi musclés. Tant mieux, la semaine a été bonne? Très très bonne, voilà, donc on est en plein mois de septembre, on commence à rentrer au mois d'octobre. Eh oui, l'hiver s'installera petit à petit. Pour ceux qui sont à l'école, soyez patients, c'est bientôt les vacances de la Toussaint. Mais en même temps, Rail Suprême, il n'y a pas d'hiver, parce que le son est toujours bon, toujours ensoleillé, toujours rempli de bonnes vibes. C'est l'été toute l'année. Toute l'année, entre minuit et 1h du mat. Ce soir, donc, au programme, il y aura quoi? Des classiques? Une heure de mix, des classiques, voilà, un subtil mélange de musique maghrébine et soleil. Voilà. Il y aura des extraits de Paris en New York? Exactement, des extraits de Paris en New York, qui est toujours dans les bacs d'ailleurs. Sur iTunes, 6,99€, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas. 6,99€, allez-y, c'est pas cher. Et voilà, c'est le prix d'un paquet de cigarettes, donc n'hésitez pas. Et voilà, on fait découvrir aussi les sons de l'album pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, ça va être pendant une heure de mix. Et bah, coup d'envoi de soirée suprême ce dimanche soir, Case. Je te laisse aller, c'est parti. Allez. Tous les dimanches, une heure de son 100% rail. Avec DJ Case sur Skyrock, c'est Rail Suprême. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soir, minuit 1h, avec Fred pour une heure de mix de folie. Ça fait pas comme un spoil. Ça prend des piges et des piges. Suffit pas d'avoir de la sable ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident, il te faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. Demande à Skalpovic, trop de lusty. J'kicks à deux spies, prends mon Yeezy. Tu veux du swag, il te manque ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même on peut si j'reste. Fais ça, merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai dit c'est ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec. Et qu'est-ce tu perds la tête? Mais au fait quitter. T'aimerais nous côtoyer, t'es sur la liste rouge. Sur la piste tu bouges mais t'as pas trouvé la loose. Ok t'as des loves mais t'as pas le level. T'as mis un LV putain. Et je sais pas d'avoir la sap ou bien ta marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça vient pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges, des décennies. Suffit pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu le remarques, mais c'est évident, il te faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges, des décennies. On ne devient pas congolais comme ça du jour au lendemain. Il faut patienter dans les habits, il faut s'habiller. On a porté des Francophères et des Jean-Marie Weston, des Isemia Kenzo, Giorgio Armani. On ne devient pas congolais ou ivoirien du jour au lendemain comme ça. Il faut patienter dans les vêtements. On a porté des habits. On a porté des habits chaque jour qu'Eddy a fait. On a porté des habits. On ne devient pas congolais comme ça du jour au lendemain. Tout est une question de distinction. Ash Dream. Megawara no. Gotham City. Gotham City. T'es pas prêt. Gotham City. It's a. قلبي أراكي يا نزعتي que les groupies s'échangent en geisha. Insulter la mère des gens gratuits, ça paye pas. Comment t'expliques qu'on fasse des concerts jusqu'aux Pays-Bas? Pays-Bas, Guadalajara. Ha! So good, boy, baby. Tu veux des sons, sachant ta quête, j'en apporte moi. Laisse-moi ton fun, je te rappelle si t'es Nathalie Portman. Hey, t'auras tout le temps de m'analyser. J'quitte pas la capitale, tout comme Mona Lisa. Arrive, rendez-vous au White Dream. Si j'suis pas là, c'est que j'suis au White Beach. Aujourd'hui, tout le monde nous baratine. Mais tous les types parlent en Wati. Ha! Wati B, DJ Corp. C'est pour toi ma chérie, et pour tous mes straps Tunisie, Maroc, Algérie. One, two, three, c'est pour toi ma chérie, et pour toute la France Tunisie, Maroc, Algérie. Ça va vite, reste attentif, tiens à Paris, ça va vite. Sois sur le beat, car très souvent ici les débits ça varie. C'est qu'on t'estime, yeah. On sait ce que c'est que d'être traité comme des domestiques. Style élastique, wesh, c'est quoi strip? J'suis avec mon sarbi, corps, écoutez-moi, style. Si t'as les outils aux trousses, faut les sommets, sommets. Si ton phone est sur écoute, laisse sonner, sonner. Sarbi, on vise que le sommet, sommet. On dort les yeux ouverts, on n'a pas souvent sommeil. On se retrouve au soleil, avec vous les sables. Depuis tout gosse, on rêve d'une vie de star. On est peut-être les meilleurs, vu les stats. Mettez Ryan B. Fever dans les stats. Achy, les blèmes, on connaît une, pour Ibris, ça connaît une. Si t'es pas notre sarbi, ça peut pas coller. Ça fait des années qu'on fait le taf, on vient pas rigoler. Ryan B, Airline, okay. On a bien déconné. One, two, three, c'est pour toi ma chérie. Et pour tous mes straps Tunisie, Maroc, Algérie. One, two, three, c'est pour toi ma chérie. Et pour toute la France Tunisie, Maroc, Algérie. Ça va vite, reste attentif. Tiens à Paris, ça va vite. Sois sur le beat, car très souvent ici les débits ça varie. C'est un son plein de sourires dans un climat tendu qui espère et respire dans cette époque tordue. C'est le son qui propose des virages, des voyages, des clameurs, des visages. C'est le son des mariages. Et si on chantait de toutes les couleurs, on va faire danser les corps et les cœurs. Si on est tous ensemble, ça nous suffira. Si nos voix se rassemblent, on nous entendra. Qui partage et rassemble, c'est les beaux quartiers qui dansent avec les grands ensembles. Ceux qui souhaitent un pays convivial, alors ils croient en une autre identité nationale. C'est le son qui rêve en réalité, change les mentalités, tue l'amorosité. Il invente, imagine et renverse les clichés établis et oublie leur tristesse. Tous les codes sont bannis, révisés, on mettra des baguilles jusqu'à l'Elysée. Plus de quotas dans le foot ni ailleurs, peu importe la couleur, on gardera les meilleurs. Les blaireaux, les fachos, c'est la même, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. On va marier Nassim et Delphine, pas seulement pour la rime, un second tour sans Marine. Et si on chantait de toutes les couleurs, on va faire danser les corps et les cœurs. Si on est tous ensemble, ça nous suffira. I'm not afraid to die.

en général, je suis un aigle de Kabyle, je suis un émirail, fais entrer la rosa comme un artiste. Faut du charbon pour la chicha, je rajoute mes épices. Poulet de Nes, tu veux la connaître, lui faire des promesses, t'es prêt à tout mettre. Un bête de cortège, enfant du soleil, du vent de la neige, fidèle et honnête. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah. On reste fiers et unis, c'est magique, je t'invite. Dis-moi, c'est un mec, sur ma zig, à m'embrasser. Blélé la rosa, elle est de la lili. Pour tous mes miss mood, profite la vie court. Nos briques sans pitié, à toutes les princesses, à tous les sans-papiers, dans les histoires compliquées. On voit du hard DJ, on voit du son pour le bar, on voit du son pour le départ. En gamos, en babon ou en car, selon le budget. Viens boire la taille chez la famille, chez nous un appart, ça se partage comme un taxi. DJ Play, mon son, il se ruine en bouteille. Incroyable mais vrai, MC en bébé gay. M'arrive toujours pas, là je vis encore moins à l'orteil. J'ai dû m'envoler blindé par le sommet, veulent me violer bronzé. Sous mes rayons de sommeil, ils font les balls, font les shows. Stupides dans leur clip, mais n'ont pas le charme du ghetto. Dans la hack, ça part plus vite, flic, bang. J'suis pas un boys band, ni un gangster. Les chaloux font les dingues, savent devant qui est gangster. Monde au sous-loup des sincères, tant qu'à faire. Monde un libéral qui se rincère, légendaire. Pour les gens durs, je suis tout ce que j'en dure. En temps d'air, ils portent un string dans mon flingue, c'est un joueur en dur. Arabian bad girl. Ton prestige est comme le Black Pearl. À la recherche du real love. Tu veux te marier, pas de mari, pas de love. Elle fait son entrée dans la chicha. Elle excite tous mes louftos. Un conseil devant mes losas. Faudra pas que tu louves trop. Fraîche, te l'a dit, 18 ans tu fais la lady. Arrivé à 30 piges, tu sais que sans tes manières tu peux être ma baby. Mais t'en fais qu'à ta tête, tu marches comme une loulée. On ne se coupe pas un arbre qui n'a pas de fruits. Si t'étais inintéressant, t'es bon, on t'aurait fui. Si les rappeurs t'attaquent, c'est que ta rêve est cuite. Personne n'est parfaite, même qui mise. Oui, son maquille. Sourire, c'est les flashs de Bali. Arabian girl, c'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse toute la nuit. Arabian girl est dans sa folie. Elle joue pas dans d'autres cours. C'est le code de la passe-cour. On lui tourne. Croisé comme nos regards, j'avoue le sien, c'est comme une décharge de encore. À l'époque j'étais un enfant de la rue, rien que je dealais, rien que je filochais toutes les bengas. Benga benga, en a leader de Volta. Fais tard, j'roulais dans un merco, un outil dans le parka. Et oui j'avoue, j'étais le seul imbécile du secteur. Et j'marchais fier auprès de cette Arabian girl. Elle savait pour moi trop. Elle me l'a mise. Arabian girl, c'est les flashs de Bali. Arabian girl, c'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse toute la nuit. Arabian girl est dans sa folie. Elle joue pas dans notre cours. C'est le code de la passe-cour. On lui tourne autour. Arabian girl porte Africa dans son cœur. Arabian girl, salam alaikum. African girl, salam alaikum. Au DJ guys, salam alaikum. Hamid, vous passez salam. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, Nasya, we'll fall. Le gros son apaise nos souffrances et nous guérit. Tu ne peux que bouger sur Momo et All Carry. Mon mic est en prix, ton corps nous obéit. Alors on chante la misère de nos peuples, la rage de nos keufs, le charme de nos meufs. Entre le béton et la terre rouge, le bitume, le sable. Si t'as le rythme dans la peau, ben vas-y garde-le. Case au contrôle de Rice Suprême comme chaque dimanche soir. Case, il est là. Ouais, oui, on est soir, mais oui. Après, il est ailleurs. Juste après, ouais, on est ailleurs. Alors, moi, je suis aussi ailleurs dans des clubs un peu partout en France, et notamment le samedi 4, donc ça se passe à la Joya dans le 95. Grosse dédicace à Nabil, voilà, c'est un club qu'on fait souvent toute l'année. Le samedi 11, je suis dans le sud à Arles, c'est au Palm Beach, donc c'est pas loin de Marseille. Le 17, c'est à Lille, à la Cirta. Et le samedi 18, à la Dix, à Saint-Etienne. Donc on se balade un petit peu partout pour vous faire voyager, et pas seulement que sur Rice Suprême, mais aussi dans les clubs. Donc voilà, on a beaucoup de retours, même sur le terrain. Les gens, voilà, ils kiffent de plus en plus, on voit les messages, ça déchire. Bon, c'est chargé, et puis aussi on peut avoir d'autres dates, parce que parfois il y a des dates qui s'ajoutent, ou alors si vous n'avez pas bien compris aussi où se trouve Case, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur la page fan DJ Case, donc DJ espace KYZ, et sur Twitter, Instagram, DJ Case Paris. Et je voulais faire aussi une dédicace à mon pote Ali, donc qui était venu aussi pendant Planet Rap. Il a une chicha, c'est le Velvet Chicha Bar, voilà. Et c'est au 146 rue de Crimée, dans le 19e à Paris. Et bah très bien. Minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ Case sur Skyrock. This is DJ Case, the number one DJ in Paris. Yeah.

Keys. Je m'en vais. Fred pour une heure de mix de folie. Again, selector. Yeah, when the music is hot, Bodo, take it back from the top. DJ Case. DJ Case. J'ai 9-2 sur le blason, jamais les murs nous rasons. Chez nous le terrain est glissant, ramasse pas le savon. Comme si mes chenades du 19, sur ton mec c'est pas bon. Fuck les esclaves de l'état qui prennent le peu que nous avons. Le but c'est demander pardon, tant qu'on est sain et sauf. Si ta reçue me kiffe, pas pour autant que je serai ton pauvre. Ma génération, j'la distance avec un tour de chauffe. Tu feras pas long feu si tu vois de quel poids je me chauffe. Ils se mettent à manger du moco pour rapper comme un como. Que les alous mettent au sticker s'ils me font ma meilleure promo. J'ai fait couler des litres de flanche pour étant faire des tonneaux. Si toutes mes rimes seraient imagées, je serais une star du pauvre. Remis en lumière, ils veulent baisser les stars. Personne me masse là-dessus, moi je m'en fous d'être une star. Comment être un bon vivant en ayant tant de remords? Entre nous, y'a un fossé, j'ai creusé mon écart. Flotteur content dans sa kéblo. J'ai pas compté sur Apple pour espérer qu'écro. J'ai mon train de vie au bout des lèvres, sort des bouches de métro. J'ai les gros sans métro, je regarde pas le rétro. En nous y'a tellement de traces, pourrait t'en faire des locks. La reste même dans le caleçon, je pourrais t'en faire des locks. Je te parle de la zinc parce que la douche vient c'est féroce. Je me rappelle des cafards égarés dans mes Kellogg's. Je trouve le temps de poser, je trouve pas le temps de mes épaules. Il m'arrive pas à la vie, je veux pas laisser avec des épaules. Je sais ce que j'ai à faire, je pense que j'ai à prendre. Professeur sultan, la nouvelle vie, je vais leur apprendre. J'préfère le banc des accusés que celui de la touche. J'préfère ramasser mon fardeau que le savon à la douche. Me reproche pas de faire des tubes quand t'as pas le niveau. Parce que tu payes pas mes factures, remplis pas mon frigo. Paraît-il, je fais la star. Plus le temps, paraît-il, je fais la star. Plus le temps, paraît-il, je fais la star. J'en vois tellement du lourd, ils font pas le poids. Moi, je veux que tu pèses. Plus le temps, paraît-il, je fais la star. Plus le temps, paraît-il, je fais la star. Plus le temps, paraît-il, je fais la star. On retourne les gouvernes et te boîtes, monte à DJ Case. She ain't talking bullshit. She got just trying to enthuse about you. The reason why you lose, you got no. She step into my shoes and feel it. Hustle people, they gon' hate you 'cause I try to leave you out you up. What will elevate you is it? So keep back, meditate and feel it. Yeah. why you're righteous, cause I'm dripping in tea. My head always to the sky because I'm dripping in tea. Just take a look into my eyes and you'll see. Dripping in tea. Yeah, you need to recognize that I got dripping in tea. C'est DJ Case, on se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Wallahi, you look good, you're a fouine baby. Quoi de DJ K, DJ K. La la la la la la fouine, tout tout tout. Mon poteau tu fais la crise, mais c'est ça la vie. L'enfant on est les mêmes si tu veux savoir mon avis. Combien donnerait leur foule pour décider où mon ami. Zone toute la nuit, soir en boîte avec mes potos, là ils ont mis. Tu veux me donner ton cœur, bébé, I don't need. Toi tu me regardes de travers, moi je veux pas d'ennui. Parce que j'ai encore vu. Je cherche encore mon bonheur pour cicatriser mes douleurs. Sans boîte de toutes les couleurs. Je reste en guerre, j'ai encore une dent contre l'État. Aujourd'hui je trouve les nerfs donc c'est coupé, rigolez pas. Tu veux mon cœur mais on s'est plus de bon, on se connaît pas. Ce rail suprême avec DJ Case, comme chaque dimanche soir. Case, oui. On te laisse filer vers d'autres cieux cette semaine. C'est ça, ouais. Comme, là, ça va être mon lit par contre ce soir. Ah oui, c'est vrai, ouais, ce soir c'est repos. Ce soir c'est repos, voilà. Donc on va se détendre au calme. Et merci d'avoir écouté. On a vu, vous étiez nombreux. J'espère que ça vous a plu. Et puis bon, on se retrouve dimanche prochain, bien sûr. Et bah, dimanche prochain, rendez-vous avec DJ Case d'ici là en soirée aussi. Mm-hmm. On fera un point sur toutes les soirées sur les réseaux sociaux de DJ Case. On allez, cliquez. Sur les soirées, sur les genounettes aussi. Et sur les genounettes aussi. Mm-hmm. On salue. Les genounettes à nous. Bon, ciao, Case. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée, c'est reparti le son de Skyrock. Ciao.